Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Vivons-nous encore dans un état de droit? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec notre invité de la semaine, Maître Viguier. Maître, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en droit, vous êtes l'avocat d'Alain Soral, mais pas seulement. Vous intervenez aussi dans le cadre de crises politiques, on vous a vu en Syrie, bientôt au Donbass. Vous êtes également l'avocat de Carlos Illich Ramirez Sanchez. C'est ça. Vous avez également publié chez les éditions Contre-Culture le premier ouvrage d'une collection intitulée « Leçons de droit, de la famille clanique au couple parental homosexuel ». C'est le titre de ce premier livre. Nous parlerons de ça tout à l'heure. Chers auditeurs, cette semaine, je ne suis pas accompagné de Xavier, qui est indisponible, mais de Julien, le secrétaire national d'égalité et réconciliation et le gérant des éditions Contre-Culture. Julien, bonjour. Bonjour à tous. Cette émission s'organisera de la façon suivante. Nous ferons d'abord un point d'actualité judiciaire avec Maître Viguier, puis nous parlerons des procès en cours impliquant Alain Soral. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? Moi, je suis prêt. Oui. Alors, on est parti. Maître Viguier, Vincent Raynouard, révisionniste bien connu des internautes, a déposé dernièrement une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité concernant la loi Guesso sur la contestation des crimes contre l'humanité. Celle-ci va donc être examinée prochainement par le Conseil constitutionnel. On a vu la réaction de la presse. Pour elle, les négationnistes cherchent à faire abroger la loi Guesso, tandis que pour elle, cette QPC pourrait servir en fait à élargir la loi au génocide arménien et rwandais. Quelle est votre analyse ? Alors déjà, j'aime bien la façon dont vous posez la question. Hein. Merci. Abrogation ou élargissement ? Bon, ça pose déjà le thème de la question. Mais peut-être que vos auditeurs seront un petit peu plus attentifs lorsqu'on leur précisera un petit peu le contexte. Vincent Raynouard est en cavale. Mmh. Hein, personne ne sait où il est, donc nous le saluons, puisqu'il va sans doute nous entendre. Je le salue personnellement puisqu'il s'adresse plus ou moins à moi par le biais du journal Rivarol dans le numéro 3206. Alors ça, c'est le premier point qui peut éveiller l'attention. Le second, c'est que cette QPC a été signée de Vincent Raynouard, mais préparée par des avocats dont il nous dit que leur identité ne peut pas pour l'instant être révélée. D'accord. Alors, il semblerait qu'il n'en ait pas qu'un. On dirait bien qu'il y en a deux. Pour faire monter le suspense, je crois deviner qui c'est. Alors peut-être pour nos auditeurs, vous pouvez donner un indice. Ah non, je ne vais pas. Ah non, certainement pas. Mais je les salue aussi, en particulier l'un des deux, à qui je peux dire que je ne lui en veux pas. Et que j'espère qu'il va bien. Et j'en viens au fond. Alors, allons-y. Je dois faire un petit peu mon mea culpa. Disons, j'ai publié sur votre site une note qui en fait est extraite d'un précédent article que j'avais déjà publié dans Rivarol, où j'explique que cette loi respecte parfaitement l'égalité. Alors, c'est le sujet, puisque c'est le premier argument qu'ils mettent en avant, c'est que cette loi ne respecterait pas l'égalité. Bon, alors, c'est pour ça que dans mon article, tout en restant prudent, je dis que cette question a peu de chances d'aboutir. C'est ça. Je suis prudent. Hein. C'est le titre de votre article. Oui, on ne sait jamais, je n'ai pas la science infuse. Et puis, comme le dit d'ailleurs Vincent Raynouard, je ne suis pas membre du Conseil constitutionnel ni de la Cour de cassation. Bon. Et je n'ai pas les contacts que l'un des deux avocats a. Par conséquent, on peut aborder les choses sous cet aspect-là. Leur question et la façon dont ils ont formulé la question, au moment où j'ai publié cet article sur le site de R, c'était peut-être un peu imprudent de ma part, c'est pour ça que je fais mon mea culpa, je n'avais pas le texte de la formule de leur question qui est dans le Rivarol, hein, du 15 octobre. Et c'est à la lecture de ce texte que je vois que la formule est plus fine que je l'avais pensé d'abord. Peut-être qu'on peut lire la question pour nos internautes. Alors, en fait, moi, j'avais imaginé qu'il disait tout simplement « La loi Guesso sanctionne la contestation du génocide dont ont été victimes les Juifs. » Enfin, pour schématiser. Hein. Mm-hmm. Et par conséquent, il y a bien d'autres peuples qui ont été victimes et il n'y a pas de raison de ne pas sanctionner les autres contestations. Mmh. Bon, alors heureusement, c'est un petit peu, c'est plus fin, et c'est plutôt ce que moi d'ailleurs j'avais envisagé au terme de la lecture et de la réflexion autour des écrits de Robert Badinter qu'il avait publié à l'époque. Où la loi de Sarkozy qui visait à sanctionner le révisionnisme en matière de génocide arménien, mmh. Badinter avait dit attention, il y a une distinction à propos du génocide qu'ont subi les Juifs dans la Seconde Guerre mondiale, c'est que là nous avons un jugement, le jugement de Nuremberg. Mmh. Bien. Je crois qu'il n'est pas inutile, si vous permettez, de faire un petit rappel. Autant pour les non-juristes que pour les juristes m'en voudront pas, de faire un petit rappel de la façon dont les choses sont construites. Vous avez, pour commencer, il faut remonter au jugement de Nuremberg. Hein. Mmh. La loi Guesso interdit de remettre en question les conclusions du tribunal de Nuremberg. Alors, c'est pas exactement ça. Le lien avec le jugement de Nuremberg, c'est que Nuremberg se fonde. Attendez, alors je prends le texte précisément. Je l'ai mis dans les leçons 3 que je suis en train de préparer sur ces questions. Je vous en prie, maître. Voilà, il faut repartir de l'article 6, non pas du jugement, pardon. L'article 6 du statut du tribunal de Nuremberg. Hein, qui est annexé à l'accord de Londres. C'est lui, c'est ce statut qui fixe la loi qui va être appliquée par le juge. D'accord. De Nuremberg. Et cette loi, elle incrimine, pour la première fois, le crime contre l'humanité, qui lui-même est un crime qui se greffe sur les crimes contre la paix, qui sont aussi des infractions nouvelles, et... Par ailleurs, les crimes de guerre, qui, eux, sont de vieilles infractions qu'on connaît depuis longtemps. Bon. Et le crime contre l'humanité, c'est donc, pour prendre la formule la plus générale, les persécutions pour des motifs politiques, je pense que ça vise surtout les communistes, raciaux, ça peut viser les juifs, ou religieux, ça peut viser également les juifs. Voyez voilà ce qui est incriminé par ce statut. Et donc, le juge de Nuremberg, en application de ses textes généraux, hein, mm-hmm. va condamner certaines organisations du régime hitlérien et puis toute une série de personnalités. D'accord. Bon, ça, c'est la première étape. Ensuite, arrive la loi Guesso. Alors, la loi Guesso, elle est formulée... alors, on dira qu'elle a été pensée peut-être pour ce génocide-là, mais en tout cas, c'est un petit peu le comment dire, pour faire un petit commentaire juridique sur ce qui s'est passé à Nuremberg et sur ce qui se passe avec la loi Guesso. C'est que quand on veut interdire des agissements qui se passent concrètement dans la société. Par exemple, les recherches historiques qui portent sur la Seconde Guerre mondiale. Bien. Enfin, la négation du fait qu'il y ait eu des chambres à gaz, par exemple. On ne peut pas faire une loi en disant qu'il est interdit de dire qu'il n'y a pas eu de chambres à gaz. Et puis, on ne peut pas fonder de jugement. Il faut reconstituer ce dont je parle souvent, c'est-à-dire les conditions du syllogisme. Autrement dit, il faut une loi générale mmh. qui va s'appliquer dans un cas particulier. C'est pourquoi la loi Guesso, naturellement, elle est générale. Elle est générale dans sa formule lorsqu'elle dit que seront punis ceux qui auront contesté, etc., les un ou plusieurs crimes contre l'humanité, hein, uniquement, hein, pas crime contre la paix ou crime de guerre, uniquement les crimes contre l'humanité, qui ont été commis soit par une personne, soit par un membre d'une organisation déclarée criminelle, ça concerne expressément, exclusivement le jugement de Nuremberg, soit par une personne reconnue coupable de tel crime par une juridiction française ou internationale. Bon. Donc il est très clair que la loi Guesso ne se limite pas au jugement de Nuremberg. Bon. Ça, les mystérieux avocats anonymes qui ont rédigé la QPC l'ont vu, heureusement. Simplement, eux, ce qu'ils disent, c'est que ça vient restreindre l'application de la contestation de crimes contre l'humanité uniquement aux crimes qui, donc, ont fait l'objet d'une condamnation. Il faut que le crime soit qualifié de crime contre l'humanité pour rentrer dans le cadre de la loi Guesso. Non, il faut que le crime peut être qualifiable de crime contre l'humanité, on peut donc en discuter, etc. Ça, c'est la manière large de le voir. Pour que la loi Guesso s'applique, il faut qu'un juge, et pas n'importe quel juge, un juge français ou un juge international ait pris une sentence qui dit, dans tel cas, il y a eu crime contre l'humanité. Par exemple, contre les Polonais, les Tziganes et les Juifs, il y a eu crime contre l'humanité. À cette condition-là, la contestation de l'existence de ces crimes devient condamnable. Voilà. Donc, pour les Arméniens, à ma connaissance, on n'a ni juridiction française, ni juridiction internationale qui ait dit il y a eu crime contre l'humanité et qui ait condamné quiconque. Par conséquent, ça introduit une distance. Pour les Indiens d'Amérique, il n'y a pas eu non plus. Bon. Donc, l'argument sur lequel eux, si j'ai bien compris, hein, sur lequel eux, apparemment, entendent attaquer cette loi, Guesso, c'est de dire... vous avez créé une inégalité entre les différentes communautés politiques, religieuses ou raciales qui ont subi dans l'histoire des génocides. Et donc, vous ne respectez pas pour cela la Constitution française qui protège l'égalité, qui est une valeur, une valeur supérieure. Peut-être le sous-entendu, c'est de dire vous ne respectez pas l'égalité, vous placez les Juifs au-dessus des autres peuples. Bon. Alors, certains vont dire que je me fais l'avocat. Bon, écoutez, moi, je vois une différence entre un génocide qui a fait l'objet d'une condamnation et d'un jugement et les autres. Alors, eux disent, la traite négrière, par exemple, il est trop tard, on ne pourra plus retrouver les coupables, ils sont morts, on ne pourra pas faire de procès, donc il ne pourra pas y avoir de... Il ne pourra pas y avoir de condamnation et donc on pourra, jusqu'à la fin des temps, jamais on pourra librement contester l'existence de crimes contre l'humanité. Bon, ce à quoi il y aurait deux arguments. D'abord, on a connu dans l'histoire les procès faits aux défunts. Hein. Dans le monde orthodoxe, il arrive même que l'on déterra les défunts et sorti de leur tombe qu'on les jugea. Et... un autre argument, c'est de dire, et celui-là, je pense qu'il va être mis en avant à l'occasion de cette QPC, le génocide subi par les Juifs en 42 à 44, c'est du jamais vu. Il est absolument exceptionnel. Non pas parce qu'ils étaient Juifs, mais parce que on a mis dans des trains des gens qui n'avaient rien demandé, qui n'avaient rien fait, qui n'avaient pas d'opinion politique particulière, qui n'étaient pas impliqués dans cette guerre, qui n'étaient peut-être, enfin, il n'y avait aucun motif de mettre des femmes, des enfants, des vieillards dans des trains, de les amener jusqu'au quai d'Auschwitz et là de les conduire directement dans des chambres à gaz. Où on les enfermait par un certain nombre pour directement ensuite les brûler. Bon, ça, c'est absolument extraordinaire. Et par conséquent, cette question que vous posez suppose une banalisation du crime. Vous êtes en train de nous dire que les Indiens d'Amérique ont vécu des choses équivalentes. Ce à quoi on vous répond non. Il n'y a pas d'équivalent. Alors, on tourne un peu en rond, parce que logiquement, c'est un petit peu compliqué, parce que précisément, si un révisionniste peut se permettre de poser cette question, c'est parce que lui ne croit pas qu'il y a eu un mécanisme tel que je viens de le décrire, c'est-à-dire envoi par des convois de gens qui n'avaient rien fait, posés à Auschwitz, à la gare, directement conduits dans des chambres à gaz et ensuite brûlés. Alors, bon. Mais maître, est-ce que c'est au juge de dire l'histoire et sur quoi finalement se base la justice pour donner cette prérogative au juge d'établir et de figer l'histoire. Oui, alors ça c'était le problème avec le génocide arménien. Enfin, c'était pas le juge directement qui disait l'histoire. C'était le législateur. Mais c'est toujours pas. Enfin, tous les juges disent l'histoire. Toujours, tous les jours. Ils disent votre histoire individuelle. Si vous vous séparez de votre épouse, si vous vous battez pour la garde des enfants, ils vont dire que dans l'histoire, c'est vous qui avez commis des erreurs, des fautes, c'est vous qui êtes alcoolique. Dans n'importe quelle histoire, quand vous êtes devant... D'ailleurs, ça me fait toujours penser à cette formule de Vergès à qui on demandait de comparer entre les grands dossiers comme celui de Carlos et puis les autres dossiers. Lui disait, il n'y a pas de petit dossier, tout dossier est un roman, tout dossier est une vie, une histoire. Bon. Donc, tous les jours, le juge dit l'histoire. Pour tout un chacun, pour tout le monde, autant pour Hermann Göring que pour vous et moi. Mais, simplement, jusqu'à présent, chaque fois qu'un juge dit l'histoire, de tradition juridique occidentale, on considère qu'il y a une autorité de la chose jugée en raison d'une fiction. C'est une formule latine, res judicata pro veritate habetur. Par conséquent, le débat pour le juge, le débat sur la vérité est clos. La chose jugée prend la place de la vérité. Donc il n'y a pas de discussion sur la vérité, sur la réalité. C'est jugé, et s'il n'y a plus de voie de recours, c'est comme ça. Bon. Cela ouvre aux historiens, ça leur laisse la liberté la plus large pour dire la vérité de ce qui a été jugé, pour dire que les juges se sont trompés, pour dire que les juges ont été manipulés, pour dire que les juges ont menti, que les juges ont été achetés. Et éventuellement même, cela ouvre la possibilité du procès en révision. Le travail des historiens conduit parfois à la révision judiciaire. Bon. Alors, pour le cas spécifique de Nuremberg, la révision a été exclue par le statut de Londres. C'est une des particularités du jugement de Nuremberg. Il n'y a pas de révision judiciaire possible. Bon. Ou alors, il faudrait réviser le statut de Londres, ce qui n'est pas inenvisageable d'ailleurs. Il suffirait que les Américains, les Russes, les Anglais, les Français se mettent d'accord. Et ma foi, pourquoi pas. En attendant, la révision judiciaire est impossible. La révision historique était ouverte jusqu'à la loi Guesso. Alors, ce qui est dans le fond critiquable dans cette loi Guesso, c'est pas tellement la cuisine un peu juridique. C'est que officiellement, la révision historique est fermée, puisqu'on ne peut pas contester. Alors, c'est ça qui fait la particularité du cas. Et c'est là, c'est pas le juge qui dit l'histoire. Enfin, si, le juge dit l'histoire, mais pour le coup, sa sentence prend une valeur, mais pas à cause du. Pas, c'est pas de sa faute au juge, c'est le législateur. Enfin, c'est la loi Rocard, Fabius, Guesso, et puis pas seulement. Hein. Il y a un certain nombre d'hommes politiques qui sont partis à cette loi. Hein. Mitterrand, Rocard, Dumas, Arpaillange, Chevènement, Jox, Lang et Tasca. Quand on dit c'est la loi Fabius, bon, ils n'étaient pas tout seuls. Bon. Alors, ce qui est particulier, c'est ça. C'est que certains jugements aient valeur de dogme, hein, on peut dire de dogme, c'est-à-dire qu'il y a une censure qui s'exerce sur la critique. Alors, ça, c'est le premier temps du phénomène, mais les choses sont un petit peu plus subtiles encore. Et donc, vous pensez, vous, que cette QPC sera rejetée ? Je ne connais pas le terme juridique. Non, mais je ne suis pas pronostiqueur. Peu importe. peu importe. Qu'elle passe, tant mieux, tant pis, je ne sais pas. Qu'elle ne passe pas, enfin, c'est pas le plus important, à mon sens. Hein. Ce que je peux craindre, c'est que l'on ait fait passer effectivement la question qui avait peut-être le moins de chances d'être retenue juridiquement et qui pouvait le plus facilement soulever des débats qu'on a envie de soulever en ce moment. Bon, excusez-moi, monsieur Renoir, bon, voilà, c'est mon avis. Bon, vous me répondrez par les canaux habituels, mais voilà, c'est un petit peu la critique que je ferai. Bon, si vous voulez. Ce qui se passe, c'est compliqué avec toutes ces lois. Et c'est la même chose pour la loi qui condamne la provocation à la haine raciale. Hein, j'en ai parlé récemment. Et c'est le même phénomène avec la loi Guesso. C'est que le texte, dans sa lettre, vous dit qu'il est interdit, c'est la contestation de l'existence de certains crimes contre l'humanité qui est interdite. Mais dans ces textes-là, et c'est pareil, je vous le répète, pour la provocation à la haine raciale, il y a ce qu'on pourrait appeler, j'avais dit, une notion supralégislative, ou on pourrait dire un hypertexte. C'est-à-dire qu'il y a un texte sous le texte. Et c'est celui-là le plus important. En fait, et ce texte sous le texte, il n'est pas caché ou mystérieux ou non dit. Lors de la récente audience en juin avec Forisson, j'avais lu ce texte d'Alain Jakubowicz qui donne l'hypertexte, qui explique... Je cite de mémoire, hein, qui met au défi quiconque de lui citer un historien qui ait été poursuivi et condamné sur le fondement de cette loi pour ses travaux sur la Seconde Guerre mondiale. Et c'est Alain Jakubowicz qui dit on peut discuter du nombre des morts, on peut discuter de la façon dont ils sont morts. Tout ça, c'est permis. Ce qui est interdit, c'est l'antisémitisme. C'est ça l'esprit, si vous voulez, de la loi, pour ne pas se limiter à sa lettre comme il se doit, c'est de lutter contre l'antisémitisme. Et c'est une loi qui est intégrée, cette loi Guesso, elle dit qu'elle est promulguée, son esprit, sa raison d'être, elle est dans c'est dans son titre, c'est la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Alors, récapitulons. Sous réserve que la QPC posée soulève également le problème néanmoins de la liberté d'expression de manière secondaire. Sur le problème de l'égalité, leur idée c'est de dire c'est tout ou rien. Soit on met une loi Guesso pour tous les génocides de l'univers, soit on n'en met aucun. Abrogation totale ou élargissement général. Moi, je pense que cette façon de poser la question n'est pas bonne et qu'on va leur répondre ou on pourra leur répondre à situation inégale, traitement inégal. Et c'est tout. Et on rejoint le traitement, le respect de l'égalité. Étant donné que c'est la base du droit. Tant qu'un juge ne vous a pas condamné, vous êtes présumé innocent. Et donc, malheureusement, ceux qui ont été coupables de traite négrière ou de massacre des Indiens d'Amérique, tant qu'ils n'ont pas été condamnés, sont présumés innocents. Non pas devant l'histoire, mais devant les juges. Et encore une fois, la loi Guesso se greffe sur les juges. Voilà. Ça me parle. Si je peux juste intervenir. Oui, bien sûr, Julien, vas-y. Moi, je suis sous le coup de ces révélations. Non, mais c'est bon, ben, écoutez, voilà. Oui, je pense qu'on est vraiment au cœur nucléaire de l'affaire, parce que c'est vrai que cette question de constitutionnalité, elle est intéressante, mais vraiment, au cœur de tout ça, il y a le harcèlement. Le harcèlement judiciaire dont tu vas parler, je crois, un peu plus tard avec Maître Viguier. Ou dans pas longtemps, d'ailleurs. Ouais, assez rapidement. Et ce harcèlement judiciaire, aujourd'hui, il prend des formes. On a parlé de Vincent Renoir. On pourrait parler, évidemment, de Dieudonné. On pourrait parler de Hervé Rissen aussi. Oui. Toujours. Même d'Alain Soral. Ouais, même d'Alain Soral. Et je pense qu'on va, d'ailleurs, y passer très rapidement. Au cœur de ce harcèlement, on a quand même toute une myriade de parties civiles et d'associations qu'on peut qualifier quand même très facilement et de façon même, aujourd'hui c'est prouvé, ce sont des associations communautaires La question de la communauté est quand même aussi une question centrale dans tout ça, puisque on a quand même une constitution en France aujourd'hui dont l'article 1 est quand même très clair sur les questions de communautarisme, hein, la République est une et indivisible. Et cette question-là est quand même problématique par rapport à ce harcèlement judiciaire communautarisé à outrance, avec, comme l'a expliqué Maître Viguier, cette question sous-jacente et jamais vraiment dite, mais qui est le cœur du débat, cette question de l'antisémitisme. Si je peux donc, avant de relaisser la parole à Maître Viguier, faire un petit point justement sur la forme que prend ce harcèlement au quotidien, notamment pour Alain Soral. Bien sûr. Parce qu'on va aborder le cas d'Alain Soral plus précisément. Au quotidien pour Alain Soral, puisque c'est quand même lui aujourd'hui qui est derrière Égalité et Réconciliation, derrière également Contre-Culture, c'est toujours lui qui est cité dans toutes les correspondances qu'on peut avoir avec donc les institutions judiciaires, les parties civiles, les avocats. C'est toujours lui qui est la cible directe. Donc il est vraiment pour notre association et pour le mouvement qu'on représente le pare-feu qui est ciblé par le système. Aujourd'hui, toutes les associations, que ce soit la LICRA, l'UEJF, le minuscule BNVCA, Bureau National de Vigilance contre l'Antisémitisme, qui a été, je crois, une des constitutions les plus récentes d'association, mais qui est en ce moment très actif et qui bénéficie d'une écoute très attentive des médias et des institutionnels. Toutes ces parties civiles arrivent par leur entre-gens ou par leurs contacts, par leurs avocats, à arriver à finaliser des procédures qui prennent la forme donc de plaintes contre Alain Soral et qui se déclinent sous la forme de convocations permanente auprès de la désormais célèbre brigade de délinquance sur la personne, qui est d'ailleurs basée dans le 13e arrondissement à Paris. On salue au passage les officiers de police judiciaire qui sont en charge de ces dossiers, parce que malheureusement ils en ont beaucoup à traiter et on imagine que c'est pas forcément évident pour eux. Voilà, Alain Soral est régulièrement convoqué auprès d'eux. Quand il a pas la patience et pas le temps de pouvoir se rendre auprès d'eux, il est convoqué directement auprès du juge d'instruction qui fait quasiment office dans ses affaires de droit de la presse simplement d'enregistreuse. Ça, je crois que Maître Viguier pourrait en parler, c'est-à-dire qu'il a aucune décision en matière de classement des affaires. Il faut savoir quand même, au passage, je rappelle qu'Alain Soral a porté plainte à deux reprises minimum pour des agressions physiques dont il a été l'objet, des agressions physiques avérées, dont une en groupe qui date, je crois, de 2012. Et les agresseurs ont été punis ? Et les agresseurs, systématiquement, ne sont pas punis, puisque les plaintes sont classées systématiquement sans suite. Alors, même quand, dans la plus récente affaire, les agresseurs sont filmés par des caméras de la RATP, après leur forfait, en groupe, donc dans un lieu public, un restaurant, ces gens qui sont pleinement identifiables, parce que tout simplement fichés par les services, que ce soit la DCRI ou les services de la police judiciaire de Paris, ne sont pas poursuivis. Alors, c'est quand même assez grave que systématiquement des affaires de droit de la presse, des affaires de liberté d'expression, de libre parole, soient systématiquement aussi bien poursuivies. Mais par contre, que des affaires d'agression physique avec des mises en danger de la vie d'une personne qui représente quand même la parole de beaucoup de gens en France, elles soient classées systématiquement sans suite. Quand ces agressions concernent, par exemple, l'éditeur du livre à charge contre Soral, le système Soral, cet agresseur est immédiatement identifié et jugé pratiquement dans les semaines qui suivent. Tout à fait. Et d'ailleurs, une affaire, je pense, d'après ce qu'on a pu comprendre, avec une agression qui vient au départ de l'éditeur lui-même, qui a donné le premier coup, je crois. Enfin, une affaire très, très compliquée avec... on parle d'alcool, on parle de vendredi soir très tard devant devant un immeuble. Enfin bref, une fois de plus, par contre, il y a eu diligence, il n'y a eu aucun problème pour identifier l'agresseur. Et donc, les procès s'enchaînent très rapidement. Donc, juste pour finir, avant de redonner la parole à Maître Viguier, le harcèlement judiciaire que connaît Alain Soral, c'est donc des convocations auprès de la brigade de délinquance sur la personne, des convocations auprès du juge d'instruction systématiquement, des visites impromptues, donc des officiers de police judiciaire dans les locaux de son association, dans les locaux de sa maison d'édition pour essayer de le retrouver, pour le faire venir absolument aux convocations quand il n'a pas le temps de s'y rendre. On a vu des mandats d'amener. C'est quand même le cas du dessinateur Zéon qui a été cueilli à son domicile à 7h du matin pour être amené donc toujours devant la brigade de délinquance sur la personne. Les audiences, ça c'est Maître Viguier qui pourra en parler, avec des bataillons de partie civile qui occupent l'espace un après-midi et un début de soirée entier, avec des plaidoiries interminables, culpabilisantes, on l'imagine. Et Alain Soral qui doit subir ça, parce que c'est quand même un travail aussi de harcèlement psychologique. Hein. Il faut bien que les auditeurs le perçoivent, parce que moi, j'assiste comme toi, Vincent, comme Maître Viguier, auprès d'Alain Soral, on assiste, on va dire, à tout ça. Mais à un moment donné, il faut quand même donner les réalités quotidiennes de tout ça. Alors après, évidemment, on peut parler tout simplement des condamnations. Qui commencent à s'enchaîner et évidemment des avis d'huissier qui en découlent et qui sont là tout simplement pour mettre Alain Soral dans une situation où il est tout simplement ruiné et où il est dans une difficulté financière qui est absolument pas proportionnelle par rapport à ses revenus. Ça aussi, je pense que Maître Viguier pourra en parler. La prison bientôt, dernière question. Désolé un petit peu de prendre la parole, mais j'avais envie vraiment c'est de... C'est important, c'est important. Donc la prison bientôt, parce qu'il y a quand même des affaires de jour amende qui sont en jeu. Et ça, bon, c'est quand même très symbolique. Donc voilà, moi je voulais simplement prendre un peu de temps pour faire comprendre tout ça aux auditeurs. Alors merci beaucoup Julien pour ce topo qui était absolument nécessaire. Alors Maître, je le dis sous le contrôle de Julien, 250 376 euros sans compter les intérêts, c'est la somme totale demandée par les parties adverses à Alain Soral et à Égalité et Réconciliation en ce lundi de novembre 2015. Donc c'est un chiffre absolument astronomique, sans aucun lien avec le revenu d'Alain Soral et de l'association. Donc ce que je voulais vous demander, c'était où en est cette offensive judiciaire contre Alain Soral aujourd'hui ? Non, elle est toujours en marche. Ça, j'en ai déjà largement parlé. Ces sommes astronomiques sont le moyen pour atteindre le but qui est effectivement de le faire taire. Bon, ça, c'est clair. Donc, il n'y a pas à s'en étonner. Il faut que les combattants ne voient pas dans les procès et dans les procédures et dans les condamnations des choses accessoires par rapport à la lutte. C'est au contraire la lutte elle-même. La lutte consiste dans ces procédures. C'est le champ de bataille, tant qu'on en est à des choses encore relativement civilisées. Vous comprenez ? Il faut voir le procès, non pas comme quelque chose destiné à gêner et interdire l'expression, mais au contraire comme l'occasion de se battre. Puisque c'est ce terrain-là qu'il ne faut pas suivre, qu'il ne faut pas fuir, mais qu'il faut conquérir ou reconquérir. Et plus largement, le terrain des litiges, le terrain des contentieux. Il n'y a pas à reculer devant ce terrain, il n'y a pas à avoir peur de ce terrain. Dans le contexte actuel, c'est un terrain qui est favorable à Alain Soral. Et simplement, voilà, c'est une... Et le jour où tous les militants auront compris cela, je pense que les adversaires d'Alain Soral seront obligés de changer de stratégie. On a vu dans le jugement qui oppose Aziza à Alain Soral sur la question du karaoké, que la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance. On a vu ensuite le fils d'Aziza prendre la défense de Frédéric Aziza, son père, dans le site internet La Règle du Jeu, dans un article assez nauséabond. Oui, je peux en parler, oui. Non, mais je veux vous en parler de cette affaire. La règle du jeu de Bernard-Henri Lévy. De Bernard-Henri Lévy, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de ce contexte ? Oui, non, mais qu'un fils défende son père, quoi de plus naturel ? Bon, ça, c'est plutôt louable. Par ailleurs, moi, j'ai trouvé que le fils était plus intelligent que le père. Et disant cela, ce n'est une offense ni pour le père ni pour le fils. Hein. Si je disais que ce n'est pas difficile, là, oui, ça pourrait être considéré comme une injure. Moi, il me semble plus civilisé, enfin plus... et d'ailleurs, son article « J'ai essayé de prendre Soral au sérieux » mérite l'analyse. Alors, on sent peut-être un désir, effectivement, alors là, de procès. Il y a des perches tendues vers la procédure, hein, une procédure qui serait Alain Soral contre David Aziza fils. Moi, je ne crois pas que ce soit la manière adéquate de lui répondre, tout en notant qu'on a compris le message. Hein, le fait que son texte... Il y a une prétention à placer son texte à un niveau quand même très élevé. Alors, le fait qu'il y ait de petites injures au milieu du texte ne peut que desservir ce texte. Donc, j'interprète ça plutôt comme une façon de détourner l'attention. Le niveau auquel le texte est placé n'est pas du tout inaccessible, hein. Enfin. Est-ce que vous pouvez nous résumer la pensée de David Aziza ? Dans l'immédiat, non. Je prends le temps de la réflexion, de la lecture, et comme je l'ai déjà souvent dit à l'occasion, je ne suis pas du genre à croire que je suis capable de travailler seul. Et donc... nous travaillons. Je ne crois pas non plus, d'ailleurs, que David Aziza ait travaillé seul. Et c'est pour ça que je m'interroge sur certaines ruptures de ton et surtout des ruptures d'adresse qui font penser à certains tours rhétoriques qu'on trouve notamment dans le Coran. Il y a des moments où on ne sait plus trop qui parle de l'ange, de Dieu ou de Mahomet. Là, il se met par moments, il y a des à-coups, il se met... D'abord, il parle au lecteur, et puis, par rupture, il se met à tutoyer Alain Soral. À d'autres endroits, il le vouvoie. Et par une transition imperceptible, il revient au style impersonnel. Alors, d'après certaines consultations que j'ai faites, nous orientons l'expertise de son texte plutôt vers des psychiatres pour analyser correctement la chose. Sur le fond, il est question de choses plutôt intéressantes lorsqu'il est question du Talmud. En tant qu'homme du droit, je suis sensible à ce qu'il dit du Talmud. Moi, j'avais appris dans une édition du Talmud de 1969 que le Talmud était une copie du Digeste. Et ce qu'il dit du Talmud rappelle beaucoup le Digeste. L'idée que plutôt que le lecteur d'un texte, hein, puisse briser les barrières du temps, c'est une idée séduisante. Que la juxtaposition de deux textes permet à des maîtres ayant vécu à des époques très différentes de dialoguer et dialoguer avec leur lecteur, ça c'est une idée également. Tout ça n'a rien de proprement ni talmudique, ni judaïque. Ensuite, il est question... c'est toujours un peu compliqué. Moi, je n'ai pas envie de... Personnellement, hein, en tant qu'avocat, d'entrer dans le détail de ces questions entre comment définir l'antisémitisme par rapport aux juifs, comment définir les juifs par rapport aux antisémites. Alors, on a plusieurs critères qui sont avancés, la religion, tout ça mérite discussion, évidemment. La race, également discussion. Moi, j'ai trouvé ce texte intéressant, voilà, je le dis franchement. Comme je suis avocat, je dois dire à David Isaac Aziza que s'il a un avocat, un conseil habituel, je le prie de transmettre le contenu de cette émission à son avocat, qui pourra rentrer en contact avec moi directement. Maître Viguier, une autre affaire un peu extravagante. Nous avons le choix, plus d'une vingtaine d'affaires. On a une vingtaine d'affaires, mais moi, il y en a une qui m'intéresse particulièrement et je voudrais que les auditeurs l'analysions ensemble. C'est celle qui oppose Alain Soral à Louis Alliot, car vous savez qu'Alain Soral est suspecté de connivence avec le Front National. Or, justement, il est donc en conflit ouvert avec le numéro 2, ou le numéro, d'ailleurs, je ne sais pas quel numéro c'est, du Front National, Louis Alliot. 07, peut-être. Et il y a eu des conclusions un peu étranges. Est-ce que vous pouvez nous résumer ces conclusions? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire sur Louis Alliot? Devant le désarroi des militants qui m'a été répercuté, et visiblement, mon explication vidéo n'ayant pas suffi, à la demande générale, pour que la clarté soit parfaite, je vais tenter une nouvelle fois de faire le tri entre ce que les magistrats français estiment être une injure et ce qu'ils estiment ne pas être une injure. Alors, je rappelle que dire que, donc, grâce à Alliot, nous avons notre con du mois, c'est un qualificatif outrageant. Con du mois. Con du mois. Pourtant, j'ai donné mon avis. Alors, écoutez, de toute façon, chaque jugement ne vaut que pour l'affaire en particulier. Il n'est pas dit que ça fasse jurisprudence. Et j'ai déjà lancé un appel, et si je pouvais, je lancerais même une pétition pour le retour de la rubrique Le con du mois, qui manque. Enfin, moi, personnellement, elle me manque. Et nous verrons, lors des prochaines audiences, s'il y en a, et nous nous battrons pour essayer de conserver cette rubrique. Moi, je pense que ça méritait. Je précise que je ne fais que donner la liste de ce que les juges ont décidé, mais je peux donner mon appréciation. Je pense, dans bien des cas, ça ne méritait pas une condamnation. Par exemple, j'en sais rien. Alors... c'est un type qui est dans la nostalgie de la colonisation, dans la haine de l'arabe, et c'est son logiciel. Bon, Alain Soral a dit ça, il est condamné pour ça. Là, pour le coup, c'est discutable. Bien sûr. Je ne reviens pas sur chaque qualificatif, mais vous avez compris dans quel esprit il faut lire ces décisions. Hein, parce que là, on dit qu'on lui prête des sentiments racistes et haineux. Bon, à la limite, qu'on prête à Louis Alliot. Bon, pourquoi pas? Est-ce que c'est injurieux? J'en sais pas. C'est le connard, invective grossière, certes. Injure pour autant, je ne sais pas. Suceur de sioniste. Alors, les juges ont estimé que l'expression était empreinte de mépris. Pourquoi pas? Mais pourquoi? Est-ce qu'un suceur de sioniste est forcément méprisable? Oui, c'est vrai que c'est une question qui se pose. Dans le contexte, on peut se la poser. Faire perdre des électeurs d'avoir dit crétin saboteur, c'est vraiment une saloperie, toujours invective outrageante. Couleur de timbre au départ. Alors là, ça par contre, j'ai pas compris. Couleur de timbre. C'est-à-dire. C'est dire que c'est. Enfin. Écoutez, je ne suis pas dans l'esprit des magistrats, mais en tant que... Donc là, c'est le docteur en droit qui parle, faisant l'exégèse d'une décision de justice. Devant un auditoire constitué d'étudiants en droit, j'interrogerai mon auditoire en disant « Mademoiselle Intel, que pensez-vous de l'expression « couleur de timbre au départ » Qu'est-ce que ça vous dit ?» Et peut-être cette demoiselle deviendrait toute rouge, aurait peur de la mauvaise note que je vais lui mettre et je passerai au suivant. Et je dirai « Bon, celui qui trouve la bonne réponse, il a 20 sur 20. » Donc je lance un appel... pour l'exégèse de couleur de timbre au départ, en quoi cette expression peut être considérée comme injurieuse? Voilà. Bracassé de cette catégorie, alors là, bracassé de cette catégorie n'est pas une injure. Le gigolo de Marine Le Pen, injure. Le gigolo Louis Alliot, injure. Alliot, qui a à peu près la capacité dialectique et la puissance d'élocution d'une moule marinière, expression outrageante. Alors même que, du point de vue biologique, on peut considérer que l'espèce humaine a à peu près la capacité dialectique et la puissance d'élocution d'une moule marinière. Par exemple, au regard de la capacité dialectique et de la puissance d'élocution de Dieu le Père, par exemple, ou même du Fils, et ne parlons pas du Saint-Esprit. Oui, maître. L'humanité est constituée d'individus qui ont tous à peu près, tout est dans le à peu près. Voyez comment on peut discuter. Donc là, on a estimé que c'était outrageant. Ensuite, on avait un peu finalement le Marc Georges de Marine Le Pen. Donc là, j'ai développé, j'y reviens pas. Saboteurs qui ont fait un sale boulot. Alors ça, c'était ça passait ça. Saboteurs qui ont fait un sale boulot et qui sont malheureusement numéro 2 du front et dans son lit, dans le lit de Marine Le Pen. Ça, dire de quelqu'un qu'il est dans le lit de Marine Le Pen, ce n'est pas une injure. Mais attention, ce n'est pas une injure pour ce juge-là, contre Louis Alliot. Mmh. Mais demain, Alain Soral peut dire la même chose de nouveau contre Louis Alliot. Il n'y a pas jurisprudence. La jurisprudence n'existe pas en droit français. Il y a autorité de la chose jugée pour chaque cas, mais il faut qu'il y ait identité de parti, de cause. Enfin, là, c'est la règle des trois unités. Bon. Niveau de crétinerie, injure. Dire d'Alliot qu'il incarne le fond du panier de la bêtise et l'inverse même du génie français. Alors, dire de quelqu'un qu'il incarne l'inverse même du génie français, ça a été jugé outrageant. Bon, moi, je trouve qu'il y a du style dans la formule, mais ça, c'est mon avis, ça me regarde. Je pense que dire petit bonhomme, ça a été considéré comme du mépris. Petit bonhomme. Petit bonhomme. C'est mignon, petit bonhomme. Oui, mais c'est alors soit c'est bonhomme qui passe pas, soit c'est petit. C'est l'alliance de petit et de bonhomme, ça fait petit bonhomme. Terme de mépris. Voilà. Punching ball. Alors, parce qu'il remercie Louis Alliot de lui avoir servi de punching ball, de défouloir et de crachoir assez pratique. Alors, moi, ce qui m'avait marqué, je l'avais dit dans la vidéo, mais alors peut-être c'est vrai, tout est dans la répétition. Il faut rappeler. Et dirait certains professeurs, dans la révision. Quand on a vu une fois, on n'a rien vu. Il faut voir, voir et revoir. C'est léguer, léguer, réléguer. Ça fait du bien. Dire ça fait du bien, c'est considéré comme du mépris. Bon, discutable, mais c'est jugé. C'est jugé et pour l'instant, c'est ce qui fait autorité. Hein. Voilà. Mais pourtant, la liste est terminée. Plus sérieusement. Ces propos, on ne peut pas faire plus sérieux. Bien sûr, mais ces propos ont été tenus dans le cadre d'une polémique politique qui concernait... Oui, absolument. Absolument. Moi qui m'y connais peu en droit, je m'étonne que ces propos aient été condamnés. Enfin, c'est-à-dire, expliquez-nous. Alors, vous y connaissez peu en droit, c'est le lot du commun. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je pose ma question. Le droit, c'est quand même un océan. D'accord ? Donc, celui qui dira qu'il connaît tout le droit, là, lui aussi, on peut l'orienter peut-être vers l'expertise psychiatrique. Vous y connaissez peu en droit. Je pense que ça va changer au fur et à mesure que vous suivrez vos leçons de droit. Mes leçons, puisque c'est quand même le but, hein, c'est faire un travail d'éducation. Je répète, c'est important. Il y a un contexte. Oui, mais le contexte politique français de longtemps, il a un cadre juridique. Et en particulier, il a un cadre judiciaire. C'est pour ça qu'il est important que les militants de tous bords, qu'est-ce qu'un militant ? C'est celui qui a décidé de ne pas rester seul, et en particulier, il a pu répondre à l'appel d'Alain Soral de se grouper, de rejoindre d'autres gens dans son cas, donc échapper à la solitude. Et par là, se délivrer de la souffrance que peut-être il ressent au fond de lui-même, devant la catastrophe gigantesque qui touche la France et qui la place devant un péril mortel. Bon, c'est ça le contexte. Alors, dans un contexte de judiciarisation de la vie politique, dans un contexte où on fait croire aux gens que militer consiste à adhérer à l'UMP ou au PS, enfin, ça s'appelle maintenant les Républicains. Oui. Voilà. On fait croire aux gens, ah, tu veux que ça change, ah, tu souffres, très bien, paie ta cotisation. Voilà ce qu'on fait croire aux gens. Qu'il suffit d'adhérer à un parti politique ou NPA ou je ne sais quoi, alors qu'en réalité, ces partis sont les responsables de la situation. Donc, je fais ce speech-là pour vous expliquer que ce qu'on veut faire croire aux gens, c'est que toute opposition politique qui ne prendrait pas le chemin de la lutte parlementaire serait systématiquement dans le domaine du crime. Parce que c'est ça qu'on veut faire croire. Que Alain Soral, par la lutte métapolitique qu'il livre, serait un criminel. Bon. Et on a alors l'argument du magistrat, mais qui est un argument qui fait partie du système, c'est de dire qu'il y a une polémique politique et qu'il y a un niveau admissible dans les propos, qu'il ne faut pas dépasser. Bon, voilà. Donc, encore une fois, suceur de sioniste dépasse le niveau admissible de la polémique politique. Alors, peut-être y a-t-il des termes plus polis pour exprimer l'idée d'ailleurs de manière plus précise. Je trouve ça assez précis. Est-ce qu'il faut prendre la chose à la lettre, dans c'est son esprit toute la question. C'est ça, là, c'est la question. Donc, si on la prend à la lettre, il faut des... Alors, à ce moment, si on la prend à la lettre, il faut sortir de l'injure, ça devient de la diffamation, il faut des preuves de ce que l'on avance. Maître Viguier, oui. Je rappelle à nos auditeurs que le premier volume des leçons de droit de la famille clanique au couple parental homosexuel est disponible sur le site contreculture.com. Donc, c'est un livre de 92 pages, 12 euros, illustré avec une illustration de Marie en couverture et une quatrième de couverture d'Anne Luquen. Donc, vous allez également être en conférence à Nice prochainement, c'est ça ? À Nantes en décembre pour une séance de dédicace, donc le samedi 19 décembre. Oui. Et donc vous allez sortir prochainement des nouvelles leçons de droit aux éditions Contre-Culture. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, volontiers. D'autant plus volontiers que je suis ici, je parle en présence de mon éditeur. Et je vais vous dire une chose, j'ai pas eu vraiment l'occasion de le remercier. Je le remercierai dans l'esprit dans lequel Marion Sigaud systématiquement remercie Alain Soral. Je publie effectivement, grâce aux éditions Contre-Culture, des ouvrages qui sont un petit peu inclassables. On peut difficilement les mettre dans le rayon technique juridique, vous voyez, dans le rayon droit. J'allais dire, j'invite les étudiants en droit à lire mes ouvrages, mais je ne sais même pas s'il faut les inviter à le lire et ça pourra les perturber. Et ça risque de perturber leurs examens. Par contre, j'espère que le poison que j'ai placé dans ces ouvrages pourra toucher les enseignants. Ou le remède. Pour eux, ça va commencer par être un poison. Ça va les empoisonner, je pense, de lire cette série qui ne pouvait pas trouver place chez un éditeur juridique classique, qui pouvait difficilement trouver place également sous l'égide de philosophie ou sous l'égide de anthropologie ou histoire. Elle ne pouvait trouver place en réalité que chez Contre-Culture. Et dans l'espace français actuel, c'est pas un hasard. Elle a pu trouver place chez Contre-Culture. Donc, je remercie mon éditeur qui a répondu en fait aux attentes que j'avais au-delà de ce que je pouvais espérer en me proposant de démarrer une série d'ouvrages. Et c'était exactement ce. Enfin, j'osais à peine rêver pareille chose, car je travaille depuis près de 30 ans maintenant. Et j'ai effectivement pas mal de choses à synthétiser. Ce sont les procès qui m'aident à synthétiser mes idées. Ce sont les conférences, ce sont les émissions, ce sont les interviews ER, c'est votre émission. Et j'ai commencé par cet ouvrage sur le clan, hein, de la famille clanique au couple parental homosexuel. Je défends le clan. Ça, c'est le premier ouvrage. Le second porte sur le rouage le plus précis, le plus central de la société capitaliste, c'est-à-dire précisément la société, mais au sens de structure d'organisation capitaliste, l'historique des sociétés anonymes et des SARL, etc. Et je touche à la notion de capital. J'explique qu'en soi, c'est comme pour la famille. En soi, c'est une bonne chose, c'est toujours un peu dans le même esprit. C'est une bonne chose, la société de capitaux, mais elle a été complètement subvertie et on en a fait un instrument d'escroquerie. Et j'analyse les différents aspects de l'illusion qu'est devenue la société de capitaux. Et dans un troisième ouvrage sur lequel je travaille, qui rejoint le thème dont on a parlé au début de l'émission, j'aborde la question du droit de la guerre. Le titre est encore un peu en discussion, puisque je crois que l'éditeur Contre-Culture est l'un des rares qui puisse donner encore à un auteur le plaisir d'avoir à travailler avec une vraie équipe éditoriale, de pouvoir discuter, de pouvoir réfléchir. C'est vraiment un plaisir que j'ai déjà publié ailleurs. C'était pas la même ambiance. Hein. Donc, terrorisme, sans doute que ça portera sur le terrorisme, et ça contiendra en chapitre, normalement chapitre 8, chapitre final, un article auquel je renvoie, parce que j'y donne mon avis au sujet justement de ces crimes contre l'humanité, et figurera dans l'ouvrage ce chapitre qui actuellement est dans la colonne décryptage du site d'ER et qui porte le titre « Crimes contre l'humanité, terrorisme » et mutation du droit international. Voilà. Maître Viguier, merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Julien, merci également d'être venu. Merci. Merci à Maître Viguier pour sa participation à tout ce que fait Égalité et Réconciliation et à Contre-Culture. Merci à toi, camarade. Chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec comme invité Antoine Martin, auteur lui aussi Contre-Culture. Nous parlerons de la nécessaire insoumission chrétienne face aux nouvelles théologies. Nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de La Mota. Le morceau s'appelle « Série noire » tiré de l'album « Bande originale » disponible en téléchargement sur contreculture.com. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.